Salut. Personne non binaire, monsieur, madame. Voilà, cet épisode aujourd'hui est sponsorisé par ma flemme, puisque comme tu vois, je continue à enregistrer des vidéos depuis mon lit, parce que je suis complètement à plat. C'est le truc qui me prend le moins d'énergie à faire, c'est faire ces petites vidéos pour toi, pour moi. Et là, le thème du moment, je pense qu'il est tout à fait adéquat, c'est parler un petit peu de l'épuisement rôliste. Alors, qu'est-ce que c'est que quoi cette chose? L'épuisement rôliste, en fait, c'est quand tu es en situation de te retrouver débordé et fatigué, voire stressé, voire pire, en fait, hein. À cause de tes activités liées au jeu de rôle. Donc, que ce soit les parties de jeu de rôle en elles-mêmes, leur préparation, et puis aussi tout ce qui est événementiel plus large autour du jeu de rôle, c'est-à-dire organiser ou participer à des conventions, des cyberconventions, modérer, animer des communautés en ligne autour du jeu de rôle, ou créer du contenu autour du jeu de rôle. Voilà, alors déjà, on va tout de suite essayer de trancher ce petit débat. Est-ce qu'on peut parler de burn-out, rôliste, sachant que c'est censé être un loisir? J'ai pu entendre la polémique de dire non, mais il faut pas parler de burn-out au sujet du jeu de rôle, parce que le burn-out, c'est un vrai sujet grave. Qui concerne en fait les salariés, et c'est l'effet, on va dire, quelque part un peu d'une oppression du système patronal, si tu veux, qui est là pour tirer un maximum de pulpe des gens, et bien souvent au détriment de leur santé mentale, voire physique. Alors, loin de moi l'idée comment de passer ce problème. Ce problème sociétal sous le tapis, hein, en bon gaucho, en beau gaucho que je suis. Néanmoins, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, on peut se retrouver dans une situation, je pense, comparable aux symptômes du burn-out dans son activité de rôliste, quand bien même ce serait un loisir, tout simplement parce que tu y as mis un investissement émotionnel intense. Peut-être aussi que tu, dans ce cadre rôliste, bénévole, associatif, tu es sous l'emprise de personnes toxiques qui t'en demandent trop. Et peut-être, voilà. Enfin, donc, le burn-out, de toute façon, j'ai envie de dire souvent, dans le burn-out, il y a deux responsables. Il y a toi, la façon dont tu prends les choses à cœur, dont tu t'investis, et puis comment tu consommes ton énergie, tu crames ton énergie. Et puis, il y a ton environnement, c'est-à-dire à quel point tu es dans un environnement social qui exige beaucoup de toi, qui exige trop de toi, et qui va du coup créer ta fatigue, ton stress, quoi. Et donc, en fait, ces deux facteurs, internes, externes, pour moi, ils peuvent être présents dans des situations qui sont non professionnelles en réalité. Et puis aussi, il peut y avoir un effet d'ajout, quoi. Mettons qu'au boulot, déjà, tu es en situation de stress, débordé, tout ça. Mais en plus, à côté, eh ben, tu es impliqué dans des activités rôlistes, bénévoles. Et puis bon, tu pars plein de trucs, ta famille, d'autres loisirs, enfin, plein d'activités. Fait que tu te retrouves avec un surcroît d'activités, d'engagement, de choses à faire, de choses non faites. Que en fait, ton burn-out, ton épuisement, ça va être un peu la somme de tout ça. Autre chose aussi, je tiens quand même à préciser que, eh ben, il y a des rôlistes qui sont professionnels, en fait. C'est mon cas, par exemple. Alors, je suis professionnel, quasiment bénévole, puisque tu le sais peut-être, mais grosso modo, je touche moins que le RSA de mes activités, je touche moins que le RSA par mois. Mais néanmoins, je suis persuadé d'avoir connu des situations similaires à du burn-out. Dans le cas de mon activité professionnelle, d'auteur de jeux de rôle, de créateur de contenu pour le jeu de rôle, d'organisateur d'événements associatifs, simplement parce que j'ai tendance à me surinvestir, j'ai tendance à mal gérer mon énergie et du coup à me fatiguer, tu vois. Donc voilà, pour moi, ce terme de burn-out n'est pas usurpé. Néanmoins, bien sûr, comme dans tout, il y a un spectre et une progression. Peut-être que toi, tu ressens juste une fatigue, tu vois, un épuisement, et que qui peut être temporaire, qui peut être remédiable, et que c'est pas que c'est pas ça va pas jusqu'au point de c'est un burn-out, un truc qui mériterait que enfin qui peut provoquer chez toi des phénomènes tels que dépression, anxiété, enfin des choses qui commencent à devenir un peu graves et qui méritent de consulter de demander de l'aide quoi. Donc bah, j'ai rien préparé, tu vois. Donc je vais essayer d'y aller comme ça. Alors, on va essayer de trouver ensemble des solutions à ce burn-out rôliste. La première, c'est de s'écouter, en fait, de dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de ressentir une pression, un stress lié au jeu de rôle et qui est au-delà de ce que je peux supporter, au-delà de ce que je veux, quoi. Et donc, une fois que tu as fait ce diagnostic chez toi, eh bien, bon, alors encore une fois, hein, je ne suis pas du tout un professionnel de la santé mentale. Bien sûr, si tu sens qu'il y a vraiment des problèmes graves, en fait, n'hésite pas à demander de l'aide à des personnes compétentes en matière de santé mentale. Déjà, tu peux en parler à ton médecin, bien sûr. Si tu as une relation de confiance avec cette personne, ou sinon tu peux directement aussi contacter des psychologues ou éventuellement des coachs, hein. Alors, c'est quoi les solutions en fait pour remédier à l'épuisement rôliste? Alors, bon, tu vas trouver que c'est des solutions qui sont valables pour pas mal de types de burn-out, mais bon, je vais exemplifier vraiment sur le jeu de rôle. La première solution qui peut être radicale, mais j'ai quand même vu ça souvent, ça peut être de carrément arrêter le jeu de rôle. On coupe les ponts tout à fait avec ce loisir. Ça peut être une pause longue ou une pause courte. Ça peut être l'occasion de faire le point un petit peu sur est-ce que c'est vraiment important pour toi? Est-ce que ça mérite un tel investissement? Après, si tu fais ça, eh bien, ça me paraît important d'avoir un petit peu de tact vis-à-vis des engagements que tu as pris avec certaines personnes. Donc, il va falloir que tu expliques cette situation, par exemple, dans le cadre associatif, si tu as des responsabilités, si tu es engagé à faire des choses. Bah, il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains et que tu expliques aux personnes, tu t'es engagé avec telle ou telle personne, et dire que je suis en situation d'épuisement, ce que j'ai promis, je ne peux pas le gérer. Est-ce que on peut opérer une sortie d'activité, voilà, qui se fasse sereinement? Est-ce que tu as des solutions? Est-ce que tu penses que des personnes prendront la place? Est-ce qu'il y a des projets qui peuvent être ajournés, quoi? Voilà, ça c'est la solution extrême, on laisse tomber. Après, ben, il y a des solutions les plus douces. C'est déjà tout bête, commencer à faire un petit peu un diagnostic de ton activité, c'est dire, tu prends ton agenda sur le mois prochain, tu dis, attends, j'ai combien de cases de mon agenda qui sont prises par le jeu de rôle? Moi, tu vois, j'entends souvent parler de personnes, c'est encore plus violent, entre guillemets, avec le jeu de rôle en ligne, où c'est plus facile de faire une partie, qui vont en fait font du jeu de rôle, mais tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, quoi. Et évidemment, pas des parties de 1 heure, quoi, des parties de 3, 4 heures, 5 heures. Donc, il y a ça. Combien de temps tu passes? Donc, peut-être, il faut te dire. Je vais faire moins de parties en fait. Là, tu fais un bilan, tu dis en fait j'en fais trop. Et de toute façon, là, le conseil que je vais donner, il est valable pour toute la fin de la vidéo. C'est l'objectif, ça va être moins mais mieux. C'est-à-dire sur les parties, je pense qu'il y a des parties de jeu de rôle, tu vas y aller parce que vraiment t'es à fond dans l'idée, soit parce que c'est toi qui as proposé l'idée. Ça, c'est une idée qu'on t'a proposée, mais vraiment, c'est un truc qui te botte à fond, avec des personnes qui te bottent à fond et tout. Je dirais, bah, ça, évidemment, c'est peut-être ce que tu vas protéger, quoi. C'est vraiment ton cœur de plaisir dans l'activité. Et puis, dis-toi, il y a peut-être des parties, tu vas juste parce que, je suis désolé, mais le mardi soir, c'est JDR, quoi. Donc, on fait du JDR, quoi qu'il se passe. Ou parce que tu t'es engagé auprès de personne, mais en fait, finalement, t'aimes pas trop leur façon de jouer, t'aimes pas trop le jeu qu'on va faire, tout ça. Bah, il y a un moment, il faut, voilà, ces parties-là, tu vas devoir un petit peu couper. Et même si tu t'es engagé si tu t'es engagé, par exemple, dans une campagne, parce que des fois, c'est vrai qu'on va te dire, ouais, la campagne, elle dure 15 séances, on veut les gens qui soient présents à chaque séance et tout, c'est super important que ton perso soit là. Mais en fait, en vrai, il faut te dire, ouais, en fait, si je quitte la campagne en cours de route, est-ce que vraiment tout va s'écrouler? Tout va s'écrouler. Ben, j'ai envie de dire non, quoi. MJ, il peut toujours trouver une solution. Enfin, je veux dire, si ton personnage n'est plus là, il devient un PNJ, ou finalement, ben, il tombe dans un ravin, je sais pas quoi. Enfin, ils sont des merdes, quoi. MJ est censé trouver une solution de rechange. Et puis, si vraiment la campagne tombe parce que tu as quitté la campagne, bah, il y a un moment, ça démontre juste un petit manque de flexibilité de MJ, quoi. De toute façon, c'est important pour moi qu'il y ait. Dis-toi que le droit de retrait, c'est important parce qu'il y a un moment. Alors, attention, hein, faut pas se comporter comme un trou de cul ou tout simplement avoir une attitude bassement consommatrice. Si à un moment, si ta santé mentale, ton équilibre, l'équilibre de ta vie est en jeu, oui, il faut quitter des campagnes, il faut quitter des parties en cours de route, il faut poser des limites. Ça veut dire au début de la partie, tu te dis, bah, je suis désolé, mais moi maintenant, je joue pas plus de 3 heures d'affilée ou pas plus de 2 heures d'affilée, quoi. Donc, si vous voulez que la partie dure plus longtemps, vous faites la fin sans moi. Tu peux quitter les briefings parce que les débriefs c'est important, mais des fois les débriefs ça dure 1 heure, 2 heures parce qu'on se met à papoter. Donc grosso modo, tu te dis moi je vais débriefer en premier et tu débriefes 10 minutes, puis après tu déco quoi. Et ben bon, bah évidemment, si c'est toi MJ et que tu dois scénariser, dis-toi comment. Envisage de scénariser plus court, envisage de passer à l'impro. Et ça tombe bien parce que j'ai fait 2 super vidéos sur le sujet de la scénarisation, justement, qui respecte un peu tes niveaux d'énergie, et sur sur l'improvisation. Également, si comme moi, tu as quand même vraiment des grosses plages de temps dédiées au jeu de rôle, tu peux adopter ce que j'appelle des stratégies basse énergie, c'est-à-dire, il y a un moment, tu as besoin de te reposer, mais tu veux quand même faire une activité jeu de rôle, eh ben, tu vas te tourner vers ce qui est le plus ludique pour toi, quoi. Donc là, moi, par exemple, vraiment, là, la stratégie quand j'ai zéro énergie, c'est là, je me pose, je me mets au lit et je fais des vidéos parce que pour moi, c'est assez facile, quoi. Ce qui est facile aussi pour moi, c'est actuellement, c'est de prendre mes notes d'univers et puis de les assembler par thématique. C'est vraiment ludique. Je redécouvre mon univers et tout, je m'amuse et tout. Ah, c'est à toi de voir, c'est quoi ton truc de JDR qui est le plus simple, quoi. Organise moins de parties, surtout envisage aussi les déplacements, limite les déplacements. Moi, j'ai eu fait des conventions dans toute la France et en fait, au bout d'un moment, c'est vraiment chronophage, énergivore. Je te parle évidemment pas du bilan carbone. En fait, il y a un moment, si tu regardes bien, tu as plein de conventions et d'événements intéressants qui vont être dans un rayon de ta région, quoi. Tu n'es pas obligé de faire toute la France, toutes les conventions. Et s'il y a vraiment des personnes que tu aimes rencontrer ailleurs, eh ben, envisage de le retrouver lors d'événements en ligne, quoi, pour éviter comme ça ces déplacements, quoi. Et puis, dernier conseil, putain, elle est tellement longue cette vidéo. Dernier conseil, je dirais, fais un petit peu un bilan de ce que tu as dans ton étagère comme projet, qui sont commencés, tout ça, et commence à faire du recyclage, c'est-à-dire plutôt que continuer à écrire des nouveaux trucs, dis-toi, retrouve ce vieux scénario. Oh, en fait, hein, ce vieux scénario, j'ai jamais fait jouer, ou alors j'ai fait jouer tellement il y a longtemps, je pourrais le refaire rejouer. Ah bah tiens. Je pensais écrire un nouveau JDR, mais en fait, il y a ce JDR qui prend la poussière dans mes étagères, j'y ai jamais joué. Enfin voilà, fais un petit peu le bilan de soit ta bibliothèque mentale d'idées, de ta bibliothèque physique, et en fait, tu vas te rendre compte que tu as plein de matériel déjà tout prêt que tu peux utiliser pour jouer, plutôt que bah, à nouveau continuer à créer surtout. Et puis, dernière chose. J'insiste toujours, mais pour moi, le jeu de rôle, c'est un sport collectif. Ça devrait pas être un truc où on demande un investissement massif d'une personne au service des autres personnes. Donc, évidemment, souvent, mais c'est pas toujours le cas, hein, mais souvent, MJ, c'est un peu la personne qui va se sacrifier pour la cause rôliste, qui va préparer à mort, qui va s'investir à mort, taffer de ouf et tout. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, il y a un moment, MJ, tu dois t'économiser. Donc pense peut-être aussi à déléguer des choses aux autres joueuses, ou en tout cas toi, de ton côté, à moins t'investir. Et un truc, par exemple, moi que je prends beaucoup en charge, c'est l'organisation des parties, tu vois, faire un Framadate pour que la partie ait lieu. À un moment, tu peux aussi considérer que si ta table n'est pas proactive dans ce truc de poser un nouveau, tu vois, une nouvelle date, c'est que finalement, les gens, ils sont peut-être pas si, tout simplement impliqués dans le fait de jouer avec toi, tu vois, sont un peu suiveurs. Et du coup, est-ce que vraiment ça vaut le coup de te casser, entre guillemets, la nénette pour eux, quoi? Et peut-être que tu devrais, comme ça, larguer un groupe de jeu ou deux pour te concentrer vers des gens qui sont plus proactifs et qui sont plus dans le soutien, quoi. Allez, voilà, bah, vidéo plus longue ever, quoi. Donc, je pense que je t'ai épuisé, hein. En tout cas, rien que d'y penser, ça me fatigue. Donc, je vais aller faire la sieste. Allez, je te fais des bisous.